Ce lundi 26 mai, il y avait un dispositif accablant sur la place Royale à Nantes. Des barrières, quelques rubalis siglés police, 2-3 voitures de keuf et une dizaine de policiers. Ma méfiance quand il s'agit de flics et mon inébranlable envie de les emmerder m'ont poussé à m'approcher pour voir ce qui se tramait. Étant plus habitué à... Est-ce que je vous parle, vous avez une carte de presse? Je n'ai pas de carte de presse, et alors? Je ne m'étais pas du tout préparé à... Je réponds volontiers à vos questions et mes collègues pourront compléter autant que de besoin, n'hésitez pas. Et en moins de temps qu'il n'en faut à un baqueux pour dégainer une grenade désencerclante, je me suis retrouvé dans la boîte avec une flic qui parle dans mon micro. La police recrute, on voulait faire une opération vraiment dans la vie des gens, sur la voie publique, comme on dit dans le jargon, dans la rue. Clairement, quand on voit ce qu'ils font en plus dans la rue, du contrôle aux faciès, des intimidations, en manifestation ils vont aller mutiler des gens, ils ont déjà tué des gens à 2 rues de chez moi, à Nantes, au Breil. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans la rue? En fait, ils imposent leur terreur, moi j'ai pas envie d'aller les voir pour participer à leur mascarade de communication sur une place royale comme ça. Et donc on a créé cette boîte où il y a des grands panneaux avec des vidéos. Ça m'intéresse pas du tout d'aller voir ce qui se passe là-dedans, quoi. Et ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes passent un petit peu du virtuel au réel. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vu en vidéo dans cette boîte, on retrouve derrière les vrais policiers qui peuvent parler de leur métier. Et à la fin, il y a un stand vraiment recrutement. Je me dis, s'ils essayent de recruter des gens, c'est que déjà, ça doit être un bon métier de merde, hein, parce que s'il faut recruter, c'est que ça doit pas être si cool que ça. Et puis, deuxièmement, en fait, qu'ils essayent d'aller choper des gens dans la rue comme ça pour essayer de leur faire croire que c'est un super métier. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, en fait. C'est un petit peu... c'est de la communication, en fait. Il y a des spécialistes qui peuvent expliquer les conditions d'accès, le concours, le niveau d'études, et même la formation, comment ça se passe. Ce qui m'intéresse pas beaucoup. Je suis pas très intéressée par la police. Beaucoup de gens ne savent pas trop ce qu'il y a à l'intérieur et décident de rentrer. Et à l'intérieur, si je vous montre, il y a des vidéos qui présentent nos métiers. Enquête, interpellation. Voici la campagne de recrutement que la police nationale vient de lancer à la télévision et sur les réseaux sociaux. 1 million d'euros de budget pour susciter de nouvelles vocations. Moi, j'avais vu ce clip à la télé l'année dernière déjà. Moi, je le trouvais assez choquant. Ouais. Je l'ai trouvé violent. À un moment, je le trouve violent. Parce qu'on voit l'arme peut-être. Parce qu'à un moment, il va y avoir une interpellation. Voilà, c'est ça. L'interpellation. Et en fait, il se prend une claque, lui. Il se fait comme ça, fouillé, plaqué, effectivement. Alors, on a toute une partie des métiers de la police qui sont, où c'est de l'usage de la force. Alors, on l'apprend à l'école. Il y a tout un tas de techniques pour être le moins violent possible. On l'apprend tout ça. Mais c'est vrai que ça fait partie du métier de faire cet usage légitime de la force. C'est aussi pour ça qu'il y a une arme à l'écran, parce qu'on est armé. Moi, elle ne se voit pas, elle est là. On n'arrive pas de se faire agresser, c'est trop en permanence, c'est trop conflictuel. On n'arrive pas à trouver ne serait-ce qu'un répit avec eux. Ils sont tout le temps sur les nerfs et ils ont tout le temps la gâchette facile. Quand la police, elle est là pour nous protéger, mais quand la police dérape, qui nous protège d'eux? Pour te montrer que c'est pas des blagues, regarde. Regarde ce qu'ils m'ont fait il y a quelques années, là. Tu vois? Ils cherchent la petite bête, en fait. Et après, dès qu'il y a des rebilons, tout ça, ils en jouent ça. Après, c'est nous qui avons des problèmes avec la justice et tout. Certains viennent bourrer. Moi, j'ai déjà vu des scènes très choquantes devant moi. Comme un jeune homme là, qui faisait de la moto vers le Val d'Argenteuil. Il y a des policiers qui lui ont dit de s'arrêter. Il n'a pas voulu s'arrêter. Il n'allait pas leur foncer dessus. Ils ont quand même pris leur extincteur et ils l'ont extraité à bout portant. Ils ont mis des coups de pied dans la bécane. Il a fait un vol de... 10 mètres au moins, il s'est vraiment tué. Après, ils l'ont de ça, même s'il était KO par terre, ils l'ont braqué, ils lui disaient de pas bouger et tout, comme s'il était armé. Alors qu'il était inconscient, déjà par terre, et il peut bouger. Ils sont là pour casser des Noirs et des Arabes. Ils nous l'ont déjà dit plusieurs fois, explicitement, il n'y a pas de demi-mesure, on vient casser des Renois et des Arabes. Et puis c'est aussi prendre le temps de nouer du dialogue, parce que voilà, on en a tous besoin. Il y a beaucoup de clichés ou d'idées reçues sur la police. Est-ce que cette colère des policiers, des gendarmes, se traduit selon ce que vous voyez déjà dans leurs souhaits par rapport à la présidentielle ? Absolument. On avait vu en 2007 où Nicolas Sarkozy avait véritablement un soutien indéfectible des policiers, des militaires. Et aujourd'hui, c'est au tour de Marine Le Pen de disposer d'un soutien très élevé dans nos enquêtes. On voit qu'on a à peu près plus de la moitié des policiers et des militaires qui déclarent avoir l'intention de voter pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle au premier tour. Vous voulez qu'il y ait vraiment ce contact, cet échange entre le jeune qui s'intéresse à nos métiers et le vrai policier de terrain. L'ambiance est grave. Par manque de menottes, ils ont les mains entravées ou sur la tête. 151 jeunes du Val-Fouré. Sur la vidéo amateur, ce commentaire, on ne sait pas qui parle. Voilà une classe qui se tient sage. Les adolescents, eux, restent muets. Ils ont été interpellés pour attroupement armé au Val-Fouré en marge d'un blocage. À genoux, les mains sur la tête, une position réglementaire selon la police, qui ajoute qu'il n'y a eu aucun blessé. Alors moi j'étais présent jeudi dès le matin à 8h30 devant le lycée. C'était la période des blocus, tous les lycées de France, presque tous les lycées de France faisaient blocus à ce moment-là. Et dès le matin il y a eu une ambiance assez bizarre, dans le sens où il y avait aucun policier à l'horizon, malgré les petits feux de poubelle qui ont été allumés, et il y avait vraiment aucun policier. Vers les environs de... Bon, après, on a manifesté, on faisait ce qu'il fallait faire, du bruit pour qu'on se fasse entendre. On a fait du bruit jusqu'aux environs de 11h30. Et à 11h30, on était tous regroupés devant le lycée Saint-Exupéry. Et ils nous ont tous encerclés, ils ont tous chargés. Il y avait aucun moyen de s'en sortir, donc moi au début je marchais, parce que voilà, si on court, c'est là où on est tout de suite suspecté d'avoir cassé quelque chose ou autre chose. Donc moi au début je marchais, et quand j'ai vu des camarades derrière moi se faire plaquer malgré le fait qu'ils marchaient, là j'ai commencé à courir et je me suis réfugié à l'Agora. J'ai attendu une quinzaine de minutes. Après, les policiers nous ont fait sortir un par un, main sur la tête. On arrive, il y a une fouille. Moi, j'avais un masque pour leur gaz lacrymogène qui lançait n'importe où, n'importe comment, et voilà. Et j'avais mes gants parce que c'était le 6 décembre et que voilà, c'est l'hiver, il fait froid. Et le policier voit mon masque, il me dit ça c'est considéré comme une arme, donc tu montes avec ceux qui ont des armes en haut. Donc ceux que vous avez vu sur la vidéo qui étaient agenouillés. Donc du coup, je vais en haut, je me mets à genoux. Il t'a dit de te mettre à genoux? Oui, en fait. Il m'a dit de me mettre à genoux, main sur la tête. Je fais ça, je fais ce qu'il me dit. Même si je suis vraiment contre leur manière de faire. Mais après, je m'étais rappelé de ce que m'avait dit ma mère. Elle m'avait dit, quoi qu'il se passe, tu fais rien, tu réponds pas, tu n'agis pas, tu écoutes, c'est tout. Et donc voilà, j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Je me suis mis à genoux. Celui qui était arrivé juste après moi, qui s'est mis à genoux après moi, il avait ses menottes trop serrées. Il a demandé au policier, il dit, monsieur, mes menottes elles sont serrées, est-ce que vous pouvez me les desserrer, s'il vous plaît? Le policier, il lui a poussé la tête contre le grillage, il lui a dit, tais-toi. Il lui a dit, monsieur, pourquoi vous faites ça? Après, il a repoussé sa tête contre le grillage, il lui a dit, tais-toi, je te dis. Donc commissariat, des petites insultes comme ça. J'étais dans une cellule de 5 personnes en garde à vue, et on était 15, Vous avez été 151 ce jour-là, entre 12 et 21 ans, avoir été interpellé. Et qu'est-ce qui s'est passé après, quand vous êtes sorti? Bah, on a été dispersés dans différents commissariats des Yvelines. Il y en a qui ont été à Trappes, malgré le fait que, par exemple, leurs parents n'aient pas de voiture ou n'aient pas de pour pouvoir aller les récupérer quand ce sera le moment. Il y en a qui ont été à Houille. Il y en a, on a vraiment été dispatchés dans les Yvelines. Après, concernant moi, j'ai été au commissariat de Mantes-la-Jolie. Donc, au commissariat, voilà, par exemple, on s'est fait arrêter jeudi, vendredi matin, vers les environs de 8 heures. On entend la policière qui était de garde. Elle nous a dit, elle l'a pas dit à nous, mais elle l'a dit à des gens qui étaient avec elle. Elle a dit, on se croirait aux autoaries. Comme quoi on était des animaux enfermés dans des cellules. Après, quand c'est l'heure de faire mes empreintes, par exemple, on a pris ma salive, ce qui est logique. Après, il a dit ça, c'est pour voir si t'as violé personne, pour faire rire ses collègues d'à côté. Et voilà, c'est en fait, ça a été banalisé tellement ça se faisait dans les quartiers populaires. Maintenant, c'est normal pour nous, en fait, qu'ils nous insultent et tout, mais faut pas se rabaisser à une interpellation, faut pas lâcher et voilà, faut faire du bruit. Attention à l'amalgame, ce ne sont pas des violences policières. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc, on est face à une police et à un préfet, un commissariat qui sont dans le déni total. Alors, je ne parle même pas de M. Macron et Castaner, qui dit qu'il ne faut pas parler de violence policière. Nous, la violence, on la vit tous les jours. Moi, je vis dans l'angoisse tous les jours. Vous avez donné des consignes à votre fils au cas où un jour ça lui arriverait. Oui. Il était très étonné de m'entendre dire qu'à cause d'une arrestation, il pouvait mourir. Donc je lui ai dit, surtout, tu ne résistes pas. Tu te laisses faire, tu te laisses embarquer. Voilà. Parce qu'il était très étonné d'entendre ça. Mais non, la police est là pour nous protéger, elle ne peut pas nous faire de mal. Et de s'entendre dire ça, c'est assez déroutant. Donc, il s'en est souvenu, il a fait ce que je lui avais demandé, mais bon. Bonsoir, contrôle de police, contrôle mur. C'est un contrôle de police. Quand on dit contrôle de police, c'est contrôle de police, point barre. D'accord? Ici, on est dans un état de droit, c'est la République française. Donc, contrôle de police, on se tait et on obéit. Point barre. C'est assez choquant que vous soyez choqués. Parce que c'est ce que nous, on voit tous les jours, quoi. C'est quand les mamans, elles disent à leurs enfants, faites attention quand vous sortez, etc. Et que les enfants, ils sont choqués d'entendre ça. Nous, on entend ça depuis petit. Vous voulez commettre des violences et des crimes en toute impunité? Sans jamais être inquiété par la justice? Vous êtes insultant, violent, ne respectez pas le code de la déontologie? Méprisant, arrogant sont vos qualités? Prêt à tuer sans être en état de légitime défense? En argent de poche, pour arrondir vos fins de mois, coller des outrages à agents? La police recrute et la justice vous protège et vous acquitte. Même si vous êtes coupable, ne vous inquiétez pas. On fera en sorte que vous ne le soyez plus. Nos syndicats sont puissants. Alors n'attendez pas. La police est le meilleur métier pour être au-dessus des lois. Urgence, notre police assassine.